Après les derniers événements, c'est-à-dire après ma crise d'épilepsie, mon installation chez les Lebedev, la visite de la généralie Panchine, celle du prétendu fils de mon bienfaiteur Pavlitchev, et enfin celle du boxeur Keller, je demeurais 2 jours enfermé dans ma chambre. Le monde extérieur m'effrayait. Les hommes me déroutaient et me peinaient tout à la fois. Mon sentiment de culpabilité envers mes semblables s'était accru. Je ne savais pas exactement de quoi j'étais coupable, mais je l'étais bel et bien. Le 3e jour, la solitude pesant trop lourdement sur moi, je décidai d'abandonner ma chambre. J'avais à peine franchi le seuil de la villa que j'aperçus le général Yepanchin. Elle se jeta littéralement sur moi. Primo, je te défends de supposer que je viens chez toi pour m'excuser de mon départ brutal l'autre jour. Ce serait absurde. C'est toi le grand coupable. Et de tout. Je ne le sais que trop, Elisabeth Prokofievna. Alors c'est bien. Asseyons-nous sur ce banc. J'ai à te parler. Parlez, général. Je vous écoute. Bon, tu peux m'appeler comme avant, Elisabeth Prokofievna. Je vous écoute, Elisabeth Prokofievna. Parlez. As-tu écrit à Aglaé, ma fille cadette, il y a environ 2 mois? Oui, je lui ai écrit. Dans quel but? Qu'y avait-il dans cette lettre? Montre-la-moi. Mais je ne l'ai pas, Elisabeth Prokofievna. Si cette lettre existe encore, c'est Aglaé Ivanovna qui l'a. Ouais, ne finasse pas. Qu'as-tu écrit à Aglaé? Les yeux d'Elisabeth Prokofievna brillaient. Elle tremblait d'impatience. Et comme d'habitude, je me sentis sans force devant l'exigence d'autrui. Je reconstituais donc de mémoire la lettre que j'avais envoyée il y a 2 mois à Aglaé. À ton avis, prince, que signifient ces absurdités? Ouf, je ne le sais pas exactement moi-même. Lorsque j'ai rédigé ce message, je sentais en moi une vie intense. Et je cultivais l'espérance. Quelle espérance? Pas celle à laquelle vous songez, Elisabeth Prokofievna. À cette époque, il me semblait que j'avais réussi à rompre le cercle et à m'extérioriser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne me sentais plus prisonnier de moi-même. Et alors tout me paraissait désirable et possible. Et un matin qu'il faisait doux et que le ciel brillait, j'ai pris la plume et j'ai écrit à Aglaé. Serais-tu amoureux de ma fille? Non. Je lui ai écrit comme à une sœur. J'ai même signé votre frère. Tu l'as peut-être fait exprès. Non. Écoute, prince, réponds comme on répond à Dieu lui-même. Es-tu ou n'es-tu pas amoureux d'Aglaé? Je crois que je ne le suis pas. Alors c'est tant mieux. Tant mieux pour toi, prince. Car Aglaé ne peut pas s'intéresser à toi, elle qui t'a traité d'idiot. Ah? Elle m'a traité ainsi? Vous auriez pu ne pas me le répéter, Elisabeth Prokofievna. Ne te fâche pas. Aglaé est une fille autoritaire, gâtée, folle, pour tout dire. Le jour où elle aimera, elle fera de son élu son souffre-douleur. Vous croyez? Souvent, les jeunes filles... Ne te mets pas cette idée dans la tête. Aglaé n'est pas pour toi. Enfin, passons. Jure-moi plutôt que tu n'es pas marié avec l'autre. Avec Nastassia Philippovna? Non, je ne suis pas marié avec elle. Mais tu as failli l'épouser. J'ai failli. Alors c'est d'elle que tu es amoureux. C'est à cause d'elle que tu es venu ici, pour cette femme. Vous vous trompez, Elisabeth Prokofievna. Je ne suis pas revenu pour elle. Ah, c'est bien. Je te crois, prince. Embrasse-moi. Enfin, je respire. Mais sache qu'Aglaé ne t'aime pas. J'ai pris des mesures et tant que je vivrai, Aglaé ne serait pas à toi. Tu entends? J'entends. Tu ne sais rien au sujet de Gabriel Ardalionitch? Je sais pas mal de choses. Sais-tu qu'il est en rapport avec Aglaé? Ah non, j'ignorais cela complètement. Aglaé Ivanovna et Gabriel Ardalionitch? Ce n'est pas possible. Depuis quand? Oh, depuis peu de temps. C'est sa sœur Varvara qui a préparé le terrain. Pendant tout l'hiver, elle a peiné comme une souris laborieuse. Je ne le crois pas. Si cela devait être, je l'aurais certainement appris. Ah, et par qui? Par Gabriel Ardalionitch lui-même, peut-être. Il serait venu en courant te l'avouer et pleurer dans ton gilet. C'est cela, n'est-ce pas? Oh, quel nigo tu fais. Tout le monde te trompe. Mais celui-ci, non content de te tromper, est prêt à te trahir. Ouf, je sais bien qu'il me dupe parfois, mais il n'ignore pas que je le sais. Tu le sais, tu te fies à lui? Ah, ciel. Ah, n'y a-t-il jamais eu un homme pareil? Tu es plus que Jésus lui-même. Oh, Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi ce blasphème. Non, je voulais dire meilleur que Jésus. Oh là là là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ma langue fourche. Il faudra que je fasse pénitence. Est-ce que tu sais que Gabriel Ardalionitch a mis un rapport à Aglaé avec la Célia Philippovna? Aglaé? Ce n'est pas possible. Dans quel but, voyons? Moi non plus, je ne crois pas encore. Et bien qu'il y ait des preuves. Aglaé est une fille orgueilleuse et autoritaire. Elle m'a glissé entre les mains et maintenant elle fait ce qui lui passe par la tête. Mais je ne le crois pas, prince. Peut-être parce que je ne veux pas le croire. Pourquoi as-tu refusé de venir loger chez nous? Pourquoi ne t'a-t-on plus vu depuis 3 jours? Parce que je voulais rester avec moi-même. Tout le monde te prend pour un sot. Le serais-tu vraiment? Hier, tu es allé en ville. Je parie que tu as rendu visite à ce Morgan de Bourdovki, soi-disant fils illégitime de Pavel Tchef, et que tu l'as supplié d'accepter des 10 000 roubles. Mais pas du tout. Je ne lui ai pas rendu visite. Et puis ce n'est pas un vaurien. J'ai reçu une lettre de lui. Montre-la-moi. Je tirai de mon portefeuille la lettre de Bourdovski. Il attendit à Elisabeth Prokofievna. Elle la déplia et se mit à lire. Je sais bien que je n'ai pas le droit d'avoir de l'amour propre. Je suis trop insignifiant pour cela. En tout cas, c'est l'avis de tout le monde. Mais pas le vôtre, j'en suis persuadé. J'ai eu l'occasion de me convaincre que vous étiez meilleur que les autres. Vous avez secouru très discrètement ma mère. Je vous en suis reconnaissant. Mais je ne veux pas vous devoir quelque chose, moi, personnellement. Je n'accepterai donc jamais de vous un copec. Si je vous écris, c'est pour vous dire que j'ai changé d'opinion à votre sujet. Car avant, je vous méprisais. Aujourd'hui, je m'incline respectueusement devant vous. Ceci dit, j'estime que nos relations doivent se borner là. J'ajoute que les 300 roubles qu'Aglaé Ivanovna m'a donnés, comme on donne une aumône à un mendiant dont on veut se débarrasser au plus vite, lui seront restitués ultérieurement. Le billet ne valait pas la peine d'être lu. Ce Bourdovski n'est qu'un vaniteux. Maintenant, tous les jeunes gens de petites conditions s'en foutent d'orgueil. Mais tu souris, prince. Tu souris perfidement. Je souris parce qu'au fond, vous êtes contente que Bourdovski ait fait amende honorable. Pourquoi avoir honte de vos sentiments, Elisabeth Prokofievna? Ah, c'est ainsi que tu me juges. Eh bien, tu ne remettras plus les pieds dans ma maison. Tout est fini. Monsieur, je ne vous connais plus. Oui, tout est fini. Dans 3 jours, vous reviendrez m'habiter chez vous. Oh, dussé-je mourir? Je ne t'inviterai jamais plus. J'oublierai jusqu'à ton nom. Adieu. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Michel Garnier, Andrei Bourdovski et Gabi Morlaix, la générale Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.